Bienvenue en 2030 Glorieuse, le podcast pour raconter les mondes de demain. Eh ben on est sorti de ce système capitaliste. Il s'est passé un grand truc. Je ne peux pas en parler de ce qui s'est passé, mais il s'est passé un tellement grand truc que les gens ont compris que notre planète n'avait plus, enfin, que notre manière de vivre n'avait pas de sens, quoi. Qu'on était là à chercher uniquement on cherchait le plaisir, et du coup, on oubliait de chercher le bonheur. Et en fait, c'est vrai que cette course à l'enrichissement personnel, eh ben, on est, ils seront malheureux, les riches, parce que c'est pas toujours c'est jamais eux les plus riches, il y a toujours un qui est le plus riche, donc ils font la course. Je vais racheter encore un autre truc, je vais faire un coup tordu pour, c'est ça qu'ils faisaient avant les riches, mais on en est sorti. Et aujourd'hui, on a, en priorité, de construire ensemble un monde qui soit durable. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'ancien monde, eh ben, n'était pas durable, il nous amenait dans le mur, complètement. Donc là, maintenant, il y a des priorités, et ces priorités, c'est de faire des choses, un, qui ont sens, et deux, des choses qui soient pas impactantes négativement pour l'avenir. Et ça, ça a tout changé. Vous venez d'écouter un extrait de l'interview de la semaine précédente. Si cet extrait vous a plu, je vous invite à retourner sur votre application de podcast ou le site internet sur lequel vous êtes passé, notamment Imago TV, pour pouvoir écouter votre épisode en entier. Et puis si cet extrait vous a plu, je vous invite à réagir directement sur les réseaux sociaux des 2030 Glorieuses, que ce soit Instagram ou LinkedIn, pour raconter ce qui vous a plu dans cet extrait et livrer à votre tour une vision enthousiasmante des 2030 Glorieuses. Je vous dis, moi, à bientôt pour un nouvel épisode, et puis à bientôt avec toute notre communauté utopiste qui vous attend. Toutes les informations sont sur 2030glorieuses.org. Salut !